le processus d'une longue lutte. Si on imagine le sacrifice consenti par le peuple tchadien pour arriver à ce résultat, aussi bien aussi par le peuple libyen, nous devrons comprendre que la guerre ne sert à rien pour résoudre certains problèmes. Dieu merci, les Libyens et nous avons compris qu'il fallait mettre un terme à nos souffrances et aujourd'hui nous parvenons à un résultat souhaitable, le résultat escompté. Aujourd'hui nous sommes deux États, nous sommes deux entités, mais nous pouvons collaborer comme tous les États collaborent dans un esprit d'interdépendance. Après 40 ans de relations entre l'Afrique et la France, et entre l'Afrique et le monde, la place de l'Afrique dans les relations internationales est assez paradoxale. D'un côté, sa place dans l'économie mondiale a dramatiquement baissé, et le continent est devenu une des grandes zones du monde caractérisée par la permanence des conflits et la lourdeur de l'insécurité. Mais d'un autre côté, il existe depuis les années 1990, à la suite des avancées de la démocratisation et de l'effondrement de l'apartheid, une réelle volonté de renaissance et d'union et des stratégies de redémarrage économique. C'est donc l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Pour Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, le verre, évidemment, est à moitié vide. Kofi Annan, aux Nations Unies, le 27 novembre 1998.